Donc nous nous portons quelques centaines de mètres, quelques kilomètres plus à l'est de Côte-Minervois, toujours sur les plateaux des Causses, versant sud de la Montagne Noire, dans un vaste secteur marbrier connu depuis longtemps. Le moulin dont je vais vous parler se situe, donc est signalé par la petite flèche, Cône est ici, et le village de Félide se situe quelques kilomètres plus à l'est. C'est un moulin qui occupe les franges méridionales d'un plateau, qui porte le nom de plateau de la Matte. Le plateau s'étend donc dans cette zone-là. Et le moulin est lui-même situé dans un petit vallon qui pénètre le plateau. Donc vous le verrez sur les diapositives, dans une position assez dominante, évidemment. La spécificité du site tient justement à la présence de cet édifice, d'un moulin à vent, donc l'utilisation de l'énergie éolienne, pour le débitage de blocs de marbre en plaques. Moulin qui met en œuvre des procédés de sillage mécanique antérieurs aux pratiques de l'ère industrielle, donc c'est tout l'intérêt de ce secteur. Juste avant de commencer ma communication, je voudrais juste signaler que c'est une propriété privée à laquelle nous avons eu un accès extrêmement facile grâce à un propriétaire assez bienveillant à l'égard de nos travaux. Je commencerai cette présentation en abordant deux thèmes, l'environnement et l'histoire du site. Donc, le moulin s'insère dans une zone d'extraction du marbre extrêmement et très densément bâti, avec donc le vallon que je vous signalais tout à l'heure se situe dans ce secteur-là. Le moulin donc est ici. De l'autre côté du moulin, donc au côté sud, trois carrières de marbre griotte et plus quelques sondages d'exploitation sont mentionnés. Je pense que j'ai des diapos. Voilà donc une de ces carrières, des exemples de tranchées creusées autour de blocs en cours de sortie. Au sud, disons vers le sud, un chemin de charrois des blocs, donc depuis la zone d'extraction jusqu'à la route d'un petit village plus situé au sud-ouest qui s'appelle Trosse. Ici, le mur de soutènement de ce passage partiellement envahi par la végétation. Toujours ce même chemin, le moulin est juste derrière, avec des blocs en partance. Au nord, donc dans le vallon, le moulin, la photo est prise du moulin, là, plusieurs unités d'habitation, plusieurs petites maisons. Et à l'est, une source captée donc au sommet du vallon et conduite ici par cette canalisation jusqu'aux habitations où il y avait des jardins. Donc, une densité d'occupation et une densité de bâti dans ce secteur-là qui contraste fortement avec le silence des archives sur ce même secteur. Donc, deux mots sur les textes. Concernant la carrière et le moulin, ils sont inexistants pour la période de l'ancien régime. Tout le secteur est aux mains du seigneur d'Aupoule. Et donc, il n'est pas fait question ni de la carrière, ni du moulin, évidemment. Les inventaires de biens nationaux, généralement assez précis, ignorent également moulin et carrière, ce constat qui incite à placer la mise en valeur du secteur de Biotte, du moulin, à une époque postérieure. Même le premier cadastre... Ah oui, pardon, excusez-moi, je me suis trompée. Même le premier cadastre, dressé donc en 1813, donne du secteur une image très agricole, avec des pâtures en vert, des terres labourables, des vignes en rouge, donc qui occupent la majeure partie du secteur. Le moulin se situe précisément ici, sur la parcelle B370, et ici, simplement à signaler, donc au début du 19e siècle, des jardins, donc qui laissent quand même sous-entendre la proximité d'un petit habitat à côté. Une connaissance un petit peu meilleure de ce secteur est donnée à partir des années 1840, et là, toute l'organisation du site va se faire autour d'un personnage qui me semble assez important pour son histoire. Il s'agit de Louis Viotte, qui est négociant à Saint-Pons. et qui va occuper ce secteur jusqu'en 1868. En 1841, on voit ce personnage avec d'autres réclamer la concession des mines de manganèse. Cette fois-ci, il n'est pas question de marbre, mais de manganèse, donc sur la commune de Féline, et en particulier dans ce secteur de Biot. Donc le moulin se situerait dans ce secteur-là. Les limites de la concession sont données par ce trait hachuré. Donc en 1841, et c'était en fait qu'en 1844 qu'une concession est donnée au même Louis Viot, cette fois-ci pour une carrière de marbre, les carrières de marbre que je vous ai présentées, je vous ai montré en diapo tout à l'heure, donc dans ce secteur-là, sur le vallon. Un petit détail, en 1855, Louis Viot va demander à la commune le droit d'élargir sa carrière vers l'ouest d'à peu près un demi-hectare, et il évoque dans son courrier très précisément l'engagement qu'il a fait de fortes dépenses, et notamment la réalisation d'un chemin. Il réclame donc l'extension de sa carrière parce qu'il n'a toujours pas le retour sur son investissement, et ça l'inquiète beaucoup manifestement. Dans ce courrier, il n'est pas question du moulin. Donc voilà un petit plan très, très schématique, vous voyez avec les zones d'extraction originelles et la concession élargie qu'il demande donc en 1855. Deux plans qui ne concernent pas donc précisément notre secteur, mais qui sont établis à l'occasion d'un procès qui pourrait intéresser Monsieur Bonnet, puisqu'il s'agit d'une carrière exploitée par Galinier en limite de Cône. Donc ce plan situe dans les années 1867 très précisément le secteur qui nous intéresse. En 1859, Louis Viot est qualifié de régisseur des carrières du marbre de la Matte. La Matte, c'est donc le plateau marbrier sur lequel se situe le site. Et il garde cette concession jusqu'en 1868, il doit mourir à peu près à cette époque-là. En 1892, Germain Sicard signe à l'état de ruine de la Syrie, dont il reste le moulin à vent. Le site, à l'heure actuelle, porte le microtoponyme de moulin de Biot, avec un B. C'est une apparition tardive. Il s'agit manifestement d'une formation de type patronymique, une formation toponymique de type patronymique. Et dès 1868, la carrière est dite dans un texte, carrière dite Viot, c'est-à-dire que le patronyme Viot passe à partir de cette époque-là à la toponymie. Et c'est un phénomène évidemment assez fréquent, surtout dans un pays qui est proche de la Catalogne, un phénomène d'altération entre le V et le B qui me semble être à l'origine de l'appellation Biot, qui est toujours connue donc pour ce site. Je vais en venir à présent sur le bâtiment lui-même, donc le moulin et ses deux salles de sillage, dont vous avez une vue peut-être un peu sombre ici, avec donc le moulin et de part et d'autre l'organisation de deux salles où étaient sciés et débités les blocs de marbre en plaques. Son état de conservation est remarquable. En revanche, ont disparu la totalité des mécanismes du moulin, à quelques exceptions près. La mise en œuvre de ce moulin est extrêmement rudimentaire. Elle utilise tous les débris de taille, tous les rejets de la carrière limitrophe. Donc c'est un moulin entièrement édifié en marbre griotte plus d'autres pierres. Donc ce sont tous les rejets des carrières qui se situent à proximité. La première phase d'aménagement de ce secteur a consisté à établir, vous voyez, donc là c'est la salle de sillage occidentale, et ici, sur la rupture de pente du vallon, on a établi un socle de construit donc avec tous ces rebuts de la carrière, un socle qui a une emprise au sol de plus de 21 mètres sur 8 mètres 50, donc une construction tout à fait considérable, qui s'est complètement adaptée à la topographie accidentée du terrain, et qui a une élévation maximale, pour vous donner une idée, d'à peu près 4 mètres, donc quelque chose de tout à fait considérable, qui assure des fondations très stables au complexe de sillage, qui restitue également une assiette horizontale dans cette zone un peu accidentée, qui ménage également pour le moulin une position avancée sur un promontoire artificiel, donc une zone avancée exposée au vent, et qui surtout, à mon avis, présente l'intérêt de débarrasser le site d'une très grosse partie des encombrants rejets des carrières. Donc voici ici une partie de l'élévation de ce socle. On voit beaucoup mieux le relief, toute la base a été consolidée par de très très gros blocs, et un léger fruit assure aussi la stabilité de cet ensemble. Le complexe de sillage lui-même s'organise autour du moulin, qui est un moulin tour, et de ces deux salles de sillage, je prendrai successivement les deux parties. Voici un plan qui est l'œuvre de M. Fabre, encore lui. La partie centrale qui contient tous les mécanismes est le moulin. C'est une pièce qui s'organise au premier niveau sur un volume de plan quadrangulaire, dans laquelle a été aménagée une chambre de plan circulaire dans laquelle se situaient les mécanismes, en élévation de deux niveaux, correspondant à la tour du moulin. Voilà, une vue un peu plus sombre, mais un peu plus rapprochée. L'intérêt de cette salle inférieure, c'est de présenter dans ces deux parties latérales, donc côté ouest et côté est, quatre fentes rigoureusement symétriques, qui, pour vous donner une idée, font une hauteur d'à peu près 1,30 m pour une largeur d'environ 40 cm. La profondeur des embrasures, puisque le massif est quand même assez épais, fait pratiquement 3 mètres, 2,80 m exactement. Et donc, ces fentes ont été ménagées dans l'épaisseur des maçonneries pour permettre le passage des bielles qui actionnaient le mouvement, enfin, dont le mouvement était donné par le moulin, et qui actionnait donc les châssis de scie. Alors, Biot a aussi son pavement de marbre, comme vous le voyez, un petit peu plus rudimentaire, on peut dire. Donc, le rez-de-chaussée de ce moulin est occupé donc par des rejets de carrière et des dalles de marbre, avec au centre, rigoureusement au centre, une pierre beaucoup plus massive, enchâssée dans ce dallage, avec un petit orifice, un petit encastrement circulaire, donc destiné à recevoir un mécanisme tournant, donc la réception de l'axe vertical du moulin. On verra plus tard. Voici une vue extérieure un peu plus rapprochée. Là, l'accès à la salle basse dont vous venez de voir le dallage. Les carrières se trouvent de ce côté-là, donc l'accès directement par les carrières. Et l'étage, la tour du moulin, accessible par un degré. J'en viens aux deux salles de sillage situées de part et d'autre du moulin. La première à avoir été édifiée est construite exactement en même temps que le massif central du moulin. On a une parfaite continuité des maçonneries ici et ici. Donc c'est la salle orientale qui était approvisionnée en bloc par une large embrasure ici côté carrière. La salle occidentale, quant à elle, est une extension ultérieure. Alors c'est une construction qui est venue dans un second temps, mais qui malgré tout, il faut le dire, avait été prévue dès l'origine du programme, puisque, je vous le rappelle, le socle de fondation du moulin s'étend jusqu'ici, et que les deux passages des bielles avaient été prévus aussi dès l'origine du projet. Voilà donc quelques diapositives sur ce secteur. Les grandes fentes verticales de passage des bielles, partiellement murées, elles s'étendent donc sur à peu près 1,30 m, 1,40 m, la tour du moulin. Ici, une vue extérieure donc de cette maçonnerie assez rudimentaire fait des rejets des carrières limitrophes et une large embrasure pour les blocs, pour l'accès aux blocs. Ici, l'extension donc occidentale que je vous signalais, également une large embrasure pour un achalandé cette pièce en bloc de marbre, et le coup de sabre qui montre bien que toute cette partie-là est un aménagement postérieur. Voilà toujours donc un détail sur les fentes qui sont ici totalement murées. Les fentes donc côté occidental, on en a une ici, on en a une deuxième là, et une vue plongeante de cette deuxième salle occidentale qui a reçu des modifications ultérieures puisque le site a été une petite zone d'habitation un peu plus dans le courant du XXe siècle. Alors deux mots sur la production. dont on ne sait pour ainsi dire pas grand-chose, donc ça sera vraiment deux mots. En tout, on a retrouvé, par des ramassages superficiels, une vingtaine de fragments de plaques, plus un bloc fragmentaire, que vous voyez ici, qui fait à peu près 60 cm de long, dans lequel, enfin, qui est très intéressant, puisqu'on voit six traces de scie, donc qui donnent des indications sur les châssis. Ces fragments de plaques qui étaient donc débités par ce boulin de biote ont une épaisseur variable qui oscille entre 1,3 cm et 3 cm. Plus de 50% des occurrences est comprise entre 2 cm et 2,5 cm, ce qui, je crois, est à peu près l'épaisseur des dallages. La restitution des mécanismes est beaucoup plus délicate, en raison donc de la quasi-totalité de la disparition quasi-totale de ces aménagements. Donc là, vous avez une coupe de une section de la pierre précédente avec le positionnement des lames. Vous voyez la grande irrégularité. C'est sans doute pour ça que ce bloc a été juste ébauché et cassé. Donc je reviens au plan et aux élévations de ce moulin pour parler cette fois-ci du mécanisme. Alors je pense que je vais faire un petit rappel concernant la découpe du marbre à la scie. Donc cette découpe, à partir d'une scie, qu'elle soit manuelle ou mécanique, nécessite un passage lent et régulier de scie qui sont lisses, c'est-à-dire non dentées, et qui entraîne un sable siliceux associé à de l'eau dans un mélange homogène. Et c'est par abrasion en fait que les blocs peuvent être sciés, que le marbre est donc attaqué et peut être débité. Le sillage mécanique a été signalé quand même assez tôt dans l'époque moderne par les intervenants précédents, et notamment à proximité de Féline, dans le village de Cône, dès la fin du XVIIe siècle. Il s'agit dans ce cas-là d'un moulin à eau, dont le débit assez régulier est beaucoup plus facilement maîtrisable pour mouvoir de tels aménagements. Et la spécificité, je vous le disais au début, et l'intérêt du moulin de biote va résulter en l'utilisation de l'énergie éolienne, beaucoup plus aléatoire et beaucoup plus difficilement maîtrisable comparée à l'eau. Là, je vais faire une petite digression sur une enquête qui a été menée sur les industries françaises en 1861 et 1865. Dans cette enquête sont mentionnées 51 scieries et 62 marbreries, au total 113 établissements marbriers. Et sur ces 113 dans ces 113 établissements marbriers, on recense 66 moulins à eau et 6 scies hydrauliques, simplement 12 moulins à vent, 4 moulins actionnés par la traction animale et 5 machines à vapeur. Donc on est dans les années 1860-65. Le vent donc a, semble-t-il, ici une place très anecdotique, 12 moulins à vent. Et ce qui est intéressant, je crois, c'est que ces 12 moulins à vent sont tous recensés dans le sud-ouest. Et je me demande, dans le sud-ouest, c'est-à-dire dans les arrondissements de Montpellier et dans celui de Toulouse, et je me demande si on ne peut pas vraiment parler là véritablement d'une architecture vernaculaire. Fait en fait tout l'intérêt du moulin de Féline, qui est un exemple unique de moulin à vent pour scier le marbre. Et l'étude des mécanismes, excusez-moi, je ferai la diapo précédente, l'étude des mécanismes peut permettre quelques hypothèses et montrer comment l'énergie éolienne, qui est somme toute assez capricieuse par rapport à l'eau, a été maîtrisée. Donc, plusieurs mécanismes sont en relation pour actionner ces scies. Le premier est très connu puisqu'il est emprunté au moulin à vent traditionnel pour la mouture du blé, par exemple. C'est un moulin tour. C'est la toiture qui est mobile et qui permet donc l'orientation par un système de roulement au fait des murs des ailes du moulin. Le système du moulin à vent s'organise autour d'un arbre moteur, d'un rouet ici, et de cette lanterne qui permet donc de transformer un mouvement circulaire vertical en mouvement circulaire horizontal, donc grâce à ce couple rouet-lanterne. Cette fois-ci, c'est la bonne. On a retrouvé dans une des pièces occidentales cette pièce en bois de châtaignier, dont les dimensions et les encastrements et le travail de la surface pourraient tout à fait en faire l'arbre moteur de ce moulin. Ici, le dessin donc de cette pièce, mais à une échelle un peu plus grande, deux éléments des ailes retrouvés également à proximité. La transmission du mouvement rotatif horizontal en un mouvement horizontal également, mais continu cette fois-ci, est beaucoup plus complexe à restituer puisqu'on a très très peu d'exemples de comparaison. Et là, il faut faire appel généralement aux manuels anciens d'ingénierie. Alors, la présence de ces fentes que je vous ai décrites et montrées tout à l'heure, donc pour de ces grandes et hautes surtout fentes latérales, permet, je pense, ou plutôt implique, la restitution d'un système de bielle et de vilebrequin, ou d'un système de bielle et de manivelle. Donc ça, c'est une proposition qui a été faite par Monsieur Fabre, et je pense qu'elle est la plus probable dans ce cas-là. Donc ici, un système de vilebrequin sur lequel étaient attachées les bielles, ici, bielle et manivelle. L'arbre vertical, donc maintenu dans la pierre centrale percée d'un trou que je vous ai montré tout à l'heure, était aménagé à sa base d'une roue horizontale dentelée qui s'engrenait avec une lanterne ou avec un engrenage. Et c'est sur cette roue et sur ces lanternes qu'étaient fixés les vilebrequins ou éventuellement des manivelles. Alors, il faut juste signaler que ces pièces ne pouvaient évidemment pas être solidaires de l'arbre vertical, puisqu'elles ont des mouvements contradictoires, évidemment. Et donc, il faut imaginer un système d'ancrage indépendant, fixé dans le sol ou dans les murs, qui ne gênait pas le passage ni des bielles, ni des vilebrequins. Aucun élément n'en a été conservé dans ces élévations, dans ce secteur. Un détail dessiné cette fois-ci du pavement pour vous montrer donc ce petit encastrement parfaitement symétrique. On peut restituer plusieurs autres systèmes. L'encyclopédie de Diderot donne un système de balancier aussi pour mouvoir des scies qui ne peuvent pas s'appliquer ici, qui s'appliquent davantage à une transmission d'un mouvement horizontal à un mouvement perpendiculaire. Donc je passerai assez rapidement là-dessus. Deux mots maintenant sur les châssis et les lames. Donc là, on se situe davantage dans les parties latérales, les salles de sillage. La dimension des blocs débités en plaques est inconnue, et de fait, la dimension des châssis reste également inconnue. On a seul ce bloc de marbre dont je vous ai déjà montré une diapo, qui permet donc une évaluation, sinon des dimensions des blocs bruts, du moins une idée du nombre de scies qu'il pouvait y avoir sur les châssis. Donc le bloc est de dimension assez réduite, il fait à peu près 60 cm sur à peu près 18 cm de large. En revanche, il présente 6 traces de scies. Donc ces lames étaient accrochées à un châssis, étendues donc dans ce cadre, elles étaient au moins au nombre de 6. On en a retrouvé plusieurs fragments. La plupart présentaient un orifice à leur extrémité qui permettait donc de les fixer au châssis et de l'étendre pour leur donner une tension parfaite. Leur épaisseur est de 2 mm à 3,5 mm. L'encyclopédie de Diderot propose un montage qui est repris partiellement ici dans la restitution que fait Monsieur Fabre. Juste à signaler que pour maintenir durant le sillage les châssis de lame parfaitement horizontaux, il fallait nécessairement, ça impliquait nécessairement ici une articulation. Ces châssis étaient suspendus par des chevalets ou aux charpentes, afin de pouvoir être relevés assez rapidement une fois le sillage exécuté ou en cas de problème. Bélidor, dans son traité d'architecture de 1737, j'ai oublié de réclamer la diapositive, je m'en aperçois maintenant, signale la nécessité de donner du poids aussi pour optimiser leur action, tout en chargeant les extrémités des lames. Donc on donne du poids aux lames pour que le sillage se fasse plus efficacement. Ici, sous les yeux, vous avez un extrait de l'ouvrage de Giovanni Branca, qui est un peu antérieur d'un siècle, hein, daté de 1629, qui, pour lui, les contrepoids maintiennent la position des scies. Donc là, vous avez un système de vilebrequin, donc qui ne s'applique pas du tout au moulin de Biote, mais il est quand même intéressant parce qu'il signale dès cette époque-là l'utilisation du vilebrequin et surtout l'utilisation de ce contrepoids, la nécessité plutôt du contrepoids. On en a retrouvé sans doute un élément à proximité du site, donc ce bloc de marbre tronco-pyramidal avec ici un orifice donc qui permettait d'attacher une chaîne. Juste pour finir, si j'ai encore quelques minutes, deux mots sur les régulations. Alors là, c'est vraiment, je rentre vraiment dans la conjecture parce qu'aucun élément n'a été conservé. Mais ces régulations sont nécessaires pour limiter le débit très incertain du vent, je vous l'ai dit tout à l'heure. Le premier contrôle sur le mécanisme qui pouvait s'opérer se situe sans aucun doute au niveau de l'arbre moteur et au niveau du rouet. C'est un système de régulation, un système de frein par cerclage qui est bien connu et qui est utilisé dans les moulins à moudre. Donc, il est vraisemblable que celui de Féline disposait d'un tel frein. La régulation de la vitesse pouvait également s'effectuer par un volant d'inertie. Donc, il s'agissait de lester l'arbre vertical du moulin par une roue un peu chargée ou des sacs disposés donc sur ces trous accrochés, bien fixés à l'arbre vertical, qui permettait donc d'en ralentir le mouvement et d'éviter donc un arrêt brusque du mécanisme. Il faut également envisager le contrôle permanent des ouvriers qui versaient le sable et l'eau, je vous le rappelle, pour un sillage par abrasion, donc les ouvriers qui contrôlaient en permanence le fonctionnement. Et là également, il faut encore envisager un système de débrayage au niveau des châssis en cas de blocage du système pour éviter que l'ensemble du mécanisme n'explose s'il y a un blocage au niveau des lames et si les ailes continuent à tourner. Il faut nécessairement envisager dans ce secteur-là ou ici peut-être un débrayage du mécanisme. Donc là, évidemment, je ne peux pas vous présenter de restitution parce que je suis dans la conjecture. Mais c'est quand même, je pense, à signaler. Pour conclure, je reprendrai plusieurs constats. Dans un premier temps, l'exploitation de la carrière est manifestement antérieure à l'édification du moulin, puisque, je vous l'ai dit, le moulin est réalisé à partir des débris d'extraction issus de cette carrière. Donc, chronologie relative à peu près enfin, certaine, une datation en revanche absolue pour ce site qui est au contraire elle mal établie, une attribution de la construction du moulin à Louis Viotte qui est concessionnaire depuis 1844 jusqu'en 1868 est très possible. Je pense que c'est l'hypothèse la plus probable. En revanche, il n'est jamais mention donc de cette réalisation par le personnage Louis Viotte. Ceci étant, c'est quand même lui qui met en valeur le site dans la deuxième moitié du XIXe siècle. C'est également Louis Viotte qui donne son nom à ce secteur à partir de ce moment-là. Et cette datation de la deuxième moitié du XIXe siècle, vu les recensements que je vous signalais tout à l'heure, n'est pas du tout anachronique, puisque l'on recense quand même dans la même période plusieurs moulins, une de douzaine, si je me souviens bien, une douzaine de moulins à vent. Donc, dans une zone géographique assez concentrée autour du secteur qui nous intéresse. C'est un complexe qui laisse en suspens de nombreuses questions, mais qui a quand même l'intérêt de montrer une chose qui me paraît quand même assez importante. C'est que le cas du moulin de Biote à Féline donne l'assurance que le vent, l'énergie éolienne, a pu être utilisée pour le sillage du marbre en dépit de toutes les contraintes que cette énergie très, très capricieuse pouvait imposer. Donc, on voit que de telles structures ont pu être mises en œuvre et que ce n'est pas simplement les manuels d'ingénierie qui en font état. Il y a eu un aspect très fonctionnel pour ce type de structure. Je vous remercie.